ensuite ils s'entassent. Tu restes à la quête de ta place, mais quoi que tu fasses, tu t'effaces et les jours passent. À la suite ils s'entassent, tu restes à la quête de ta place, mais quoi que tu fasses, tu restes à la quête de ta place. Dans l'action t'avances et tu t'aides, cherchant à développer ton espace. À tâtons, tu t'es lancé, tu pèses pour exister, pour être visible, te dépister un rôle possible. Faut vite choisir ce que tu veux être, quitte à bâtir tout un paraître. À ce qui paraît, faut s'affirmer, un peu frimer pour s'exprimer. Faut faire primer ce qui paraît, mais lentement tu disparais. Comme détenu dans des tenues, tellement taillé sur mesure. Si tu bouges trop, tu vas les détruire, et l'idée d'être nu te fait fuir. À la suite ils s'entassent, tu restes à la quête de ta place, mais quoi que tu fasses, tu t'effaces et les jours passent. À la suite ils s'entassent, tu restes à la quête de ta place, mais quoi que tu fasses, tu t'effaces. Quand tu commences à suffoquer, coincé dans ces rôles étriqués, tu démanques carré, étant bloqué par cette identité truquée, ayant du mal à te retrouver d'emploi tout tracé, mais continuons à défricher en te débattant dans ces clichés. Par cette pensée de pouvoir trouver qui tu es, car de tes pensées digérer l'idéal de toi c'est fort. Mais à sa partie tu t'es lancé, pensant que tes doutes vont s'évincer, mais chaque fois que tu crois l'approcher, c'était qu'un cliché camouflé. Et tentant d'y mettre une distance dans cette quête de cohérence, retrouvée sans arrêt en errance. Face à la double en dissonance, et tentant d'y mettre une distance dans cette quête de cohérence, retrouvée sans arrêt en errance.